L'Association d'amitié et de la culture Australie-République populaire démocratique de Corée, l'Association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée et l'Association Nouvelle-Zélande-République populaire démocratique de Corée ont publié des déclarations pour accuser l'hostilité américaine envers la Corée.